Les vivants et les dieux, symboles et religions, par Michel Cazenave. Aujourd'hui, la Trinité chez Maître Eckhart. Très bien, ou tout au moins on devrait savoir que notre tradition culturelle, notre tradition de réflexion, notre tradition philosophique et théologique est marquée, bien entendu, par la figure de la Trinité qui est centrale dans le christianisme. Cette Trinité, d'ailleurs, qui pose beaucoup de questions aux autres cultures, aux autres domaines de méditation que les nôtres, et on sait par exemple comment les musulmans considèrent que les chrétiens sont polythéistes, puisque, pensent-ils, ils ont trois dieux. Et cette théologie trinitaire, telle qu'elle a été définie par le Concile de Nicée, on récite toujours aujourd'hui dans les églises ce qu'on appelle le symbole de Nicée, autrement dit le credo, cette théologie trinitaire, on le sait, a eu beaucoup de mal à s'imposer, parce qu'elle demandait un très gros effort de réflexion et une très grande rigueur en même temps dans l'approche de quelque chose qui est de l'ordre du mystère, et comment cela va aboutir, après un siècle de disputes, au Concile de Castelduane, c'est-à-dire comment la théologie trinitaire va se doubler de ce que l'on appelle une christologie, à savoir non seulement Dieu en trois personnes, mais exactement quelle est la personne du Christ, quelle est sa nature, et éventuellement le problème de sa double nature. Dans ces discussions, se sont beaucoup illustrés les pères de Cappadoce, Saint Grégoire de Nice, Saint Basile de Césarée, Saint Grégoire de Nazianze, et en même temps, on voit très bien comment la Trinité va prendre un certain visage, c'est-à-dire un visage purement masculin, particulièrement à travers l'œuvre de Saint Ambroise de Milan et l'œuvre de son plus grand disciple, sans aucun doute, c'est-à-dire Saint Augustin, qui dans son traité sur la Trinité fait appel à la vision du chêne de membrée d'Abraham pour montrer comme quoi les trois personnes de la Trinité relèvent effectivement du genre masculin. Mais cette Trinité doit être tout le temps remise en réflexion, doit être tout le temps remise en méditation, et par derrière la manière dont en parle par exemple Saint Bernard de Clairvaux dans ses sermons sur le Cantique des Cantiques, on sait que on va aboutir à travers l'effort de la théologie négative, c'est-à-dire cette manière de penser que de Dieu on ne peut rien dire, qui est l'héritière précisément des pères de Cappadoce, qui est l'héritière en même temps de ce que l'on appelle le néoplatonisme chrétien, on va aboutir donc à quelqu'un comme Maître Eckhart, qui, d'une certaine façon, dans sa distinction entre Deus, Dieu, et Deitas, la déité, va essayer d'explorer l'abîme trinitaire. De ce point de vue-là, d'ailleurs, on sait très bien comment Maître Eckhart a été extrêmement suspect à la papauté régnante de son temps, et comment beaucoup de commentateurs ont pensé que l'abîme de la déité était différent de la Trinité elle-même. Or, maintenant qu'ont été publiés tous les sermons d'Eckhart, et particulièrement les derniers, on peut se rendre compte que l'abîme dont il parle est précisément l'abîme trinitaire, c'est l'abîme, si l'on peut dire, intérieur, aux trois personnes de la Trinité, toutes choses d'ailleurs qui ont été très très bien éclairées, je pense, par quelqu'un comme Marianne Vanier, et en particulier par l'unité de recherche sur la mystique rhénane de l'Université de Metz. Donc pour réfléchir précisément sur ce thème de la Trinité, et ce thème de la Trinité chez Maître Eckhart, et la façon extrêmement profonde et extrêmement novatrice en même temps qu'il a de nous le présenter, nous avons avec nous aujourd'hui Marianne Vanier, professeure de théologie à l'Université de Metz et directrice de cette unité de recherche sur la mystique rhénane, et en même temps Isabelle Raviolo, qui est doctorante en théologie. La Trinité a été un peu laissée pour compte au profit du Grund et aussi au profit de l'unité qui est un lointain héritage de Denis pour arriver à l'unité finale. Mais Eckhart connaissait très bien ces gammes théologiques et la Trinité a une place essentielle. « Il y aurait peut-être plusieurs portes d'entrée. On pourrait partir du Grund, justement, dans la mesure où Eckhart envisage le principe, le principium dans la Trinité, et en particulier dans le commentaire de Jean. Et là, la monarchie du Père qu'il envisage comme telle. Autrement, une autre porte d'entrée, bon, c'est peut-être un peu général immédiatement, c'est la naissance de Dieu dans l'âme. C'est-à-dire que pour Augustin, il y a une analogie centrale pour la Trinité, l'aimant, l'aimé et l'amour. Et ce qui est très intéressant chez Eckhart, c'est dans son commentaire de la sagesse, il reprend cette analogie, mais à partir de l'engendrement, c'est-à-dire celui qui engendre, celui qui est engendré, et l'amour qui est mis dans cet engendrement. Et on est renvoyé ici au sermon 101 à 104 d'une autre manière, sermon allemand, son cycle sur la naissance de Dieu dans l'âme, qui se conclut justement par la Trinité. Mais alors, précisément, Marianne Vanier, vous faites allusion au dernier sermon dans la numérotation des cartes. Et on a l'impression que jusqu'à il y a peu, finalement, on ne tenait pas compte tellement de ces sermons. Je dirais comme si la tradition considérait que le Grund, la Gottheit, la Deitas était si importante qu'à la limite, la naissance de Dieu dans l'âme, on laissait ça un peu trotter. Oui, et en même temps, ces sermons n'étaient pas identifiés comme étant authentiques, parce que les sermons, plus on va haut dans la numérotation, et moins ils sont authentiques. Or là, véritablement, ils ont été authentifiés comme cycle, ces quatre sermons, et en même temps comme cycle écrit par Eckhart lui-même, et non comme repartitiones, comme note prise lors de ces sermons. Alors, vous parliez tout à l'heure, Marianne Vanier, de l'engendrement du Fils par le Père. Bon, ça, depuis le credo de Nicée, le symbole de Nicée, c'est quand même la chose la plus admise. Et pourtant, dans beaucoup de théologiens, on a l'impression que l'engendrement du Fils par le Père fait que le Fils est Dieu autant que le Père, et que pourtant, je dirais, il a un rang légèrement inférieur. Et comment Eckhart s'affronte-t-il à ce problème ? Oui, c'est une difficulté, mais c'est aussi tout le problème qu'on avait déjà chez Saint Basile, de la subnumération, de la conumération. En d'autres termes, lorsque le Fils est engendré, il semblerait inférieur au Père et l'Esprit semblerait inférieur au Fils. Or, Basile envisageait le fait de prendre en compte les trois en même temps, la conumération, et Eckhart, dans ses sermons latins, revient également sur cette question et dit c'est pas parce que le Fils est engendré qu'il est inférieur au Père, au contraire, il est à prendre en même temps. Et justement, il montre que cet engendrement n'implique aucune infériorité. Lorsqu'on réfléchit à la Trinité chez Eckhart, Isabelle Ravelot, puisque bon, on a déjà fait allusion directement, c'est tellement connu cette différence entre la déité et Dieu, et par rapport à la notion de création elle-même, je ne peux pas m'empêcher de penser au De Divisione Naturae, enfin le Perifiseon de Charles Cotterigène, dans lequel il dit il y a ce qui n'est pas créé et n'est pas créant. C'est-à-dire Dieu dans son abîme, si on peut dire, Dieu dans son silence, en quelque sorte. Et puis il y a ce qui n'est pas créé et ce qui est créant, qui correspondrait, pour aller rapidement, au Deus Revelatus, le Dieu révélé par rapport au Deus Absconditus, qui est donné dans la première branche de cette logique à quatre termes. Et on a l'impression souvent, chez Scott Aigène, que de cette manière, il y a une différence de niveau entre le Dieu caché, si on peut dire, non révélé, et le Dieu qui se révèle. Alors, est-ce qu'il y a cette même différence de niveau chez Eckhart entre Gottheit et Gott ? Oui, de fait, on peut dire que chez Scott Erigène, on observe cette différence de niveau qui pourrait être appelée comme un éloignement. Alors que Eckhart va beaucoup plus loin dans sa réflexion des rapports entre Gott et Gottheit, dans la mesure où il ne pense plus ce rapport, entre guillemets, comme une différence de niveau, un éloignement, mais au contraire comme une unité où l'un serait la profondeur de l'autre. C'est-à-dire que ce qu'il entend par la Deitas ou la Gottheit n'est pas un Dieu qui serait plus Dieu que le Dieu créateur ou Trinité, mais un Dieu qui serait comme le principe même de l'épanouissement divin dans la dynamique trinitaire. Autrement dit, c'est ce fond sans fond, Grund ohne Grund, ou lieu sans lieu, qui définirait la profondeur même du divin, c'est-à-dire cette retraite paternelle, comme il le dit dans le sermon 39, ou encore ce lieu du silence, ce désert. Le désert, comme retraite de Dieu, serait précisément l'essence même ou le principe de sa fécondité trinitaire. Donc, le dynamisme trinitaire ne prend sa source que dans ce lieu sans lieu qui est comme un fondement qui lui-même n'aurait aucun fondement du principe créateur. Et est-ce que d'une certaine manière, il n'y a pas le raviolo, est-ce que cela voudrait dire qu'il n'y a pas de différence essentielle entre la déité et Dieu, entre la déité, entre le fond sans fond, comme vous dites, et la Trinité telle que nous la concevons. Parce que souvent, on a tendance à dire la déité, c'est plus profond que Dieu, que le Dieu révélé. Est-ce que si je comprends bien, vous considérez que c'est en réalité la même chose vue de manière différente? La difficulté se concentre ici autour de ce que l'on entendrait par le terme même d'identité. Est-ce que ce serait cette identité comme on la pense dans l'anthropologie écartienne, ou est-ce qu'il s'agirait d'une autre identité, d'une identité d'essence? Là, je pense que la déité, chez Maître Eckhart, ce qu'il entend par le principe incréé, n'est pas pour lui sur le même plan que le Dieu créateur ou Trinité, mais ce n'est pas un Dieu qui serait antérieur ou antérieur au sens chronologique du terme. C'est-à-dire qu'il y a dans la notion même de déité la pensée de l'éternité chez Maître Eckhart et du néant au sens où Dieu habite un néant, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas discible par le discours humain, qui n'est pas représentable par l'entendement humain et qui échappe à toute notion de l'intelligence humaine. C'est-à-dire que c'est un Deus absconditus caché qui n'est caché que dans la mesure où il est appelé en lui-même par un mouvement d'auto-réflexion, si je puis dire, à se dire, si vous voulez. La pensée ici de la déité et de Dieu ne peut pas être perçue sur le plan de la forme et de l'éloignement, mais au contraire sur le plan d'un acte, un acte qui serait dans son principe déjà dit et qui, par la création, c'est-à-dire par une manifestation, une révélation, celle même dont vous parliez, la révélation trinitaire, trouverait du néant son quelque chose dans cette manifestation du créé. Il y a le Fils, il y a l'Esprit Saint. L'Esprit Saint comme le trait d'union, si on peut dire, entre le Père et le Fils. Et on voit tout un ensemble de théologiens qui définissent l'esprit précisément comme, si je prends Saint-Bernard, l'échange des souffles, ou d'autres théologiens comme la relation entre le Père et le Fils, ce qui fait que, d'une certaine manière, l'esprit vient en troisième terme. Et lorsque je disais que parfois le Fils est un peu subordonné au Père, l'esprit, lui, serait quasiment subordonné au Père et au Fils. Oui, c'est tout le problème du filioque. Filioque qui implique une infériorité d'une certaine manière, ou tout du moins qui fait que l'esprit intervient vraiment de manière secondaire. Or, Eckhart, s'il reprend le filioque, montre qu'il y a égalité, parce que c'est en fait à partir de la doxologie et justement que le Père, on le connaît par l'intermédiaire du Fils et dans l'Esprit Saint, et le don, c'est la présence comme telle, et en même temps cette présence, c'est aussi cette présence d'amour qui rend possible la vie trinitaire. Et si Eckhart est de son époque et justement on reprend le filioque, en même temps il y a toute cette densité d'amour qui fait qu'il y a une égalité de l'esprit par rapport aux deux autres personnes. Justement, si je vous posais la question, Marianne Vanier, c'est bien parce que j'avais le filioque dans la tête. Et on voit très bien comment beaucoup de théologiens orthodoxes, jusque y compris Rouen Palamas, ne veulent pas du filioque. Alors on laisse de côté les questions politiques qui ont joué au moment de la séparation. Mais précisément, propose une autre manière de lire, dans laquelle précisément on peut se passer du filioque, c'est-à-dire que l'esprit est directement à égale dignité avec le Père et le Fils. Oui, et pour Eckhart, c'est justement cette égale dignité qui est essentielle. Alors, dans ces sermons latins, je pense au sermon 29 en particulier, où il y a tout un développement sur l'esprit. Et dans ces sermons allemands aussi, il dit que le Père prend toute sa joie dans le Fils et que le sourire du Père, ce serait l'Esprit Saint, pour montrer cette vie trinitaire elle-même, toute l'égalité qui est impliquée. On sent bien que du point de vue théologique, c'est souvent la définition de l'esprit finalement qui a posé problème. Je pense au traité de l'Esprit Saint de Basile de Césarée, où on voit qu'il essaie de mettre les choses au point, bon, par rapport aux discussions évidemment de son époque, par rapport à l'arianisme ou l'arianisme modéré. Mais je me dis, est-ce que Eckhart dit véritablement la même chose que je pense, par exemple, à quelqu'un comme Bernard de Clairvaux, dans l'ensemble de tous ses sermons sur le Cantique des Cantiques, lorsqu'il dit que l'esprit et le baiser entre le Père et le Fils, bon, évidemment, c'est le commentaire du premier vers du Cantique des Cantiques, qu'il me baisse des baisers de sa bouche, etc. C'est-à-dire que c'est une union, je dirais, amoureuse, exaltée, et quasiment... évidemment difficile de s'exprimer dans ces matières-là, quasiment matérialisé si on admet qu'il y a une matière spirituelle. Pour Eckhart, il n'y a pas cette dimension, parce que pour lui, la vie trinitaire est davantage vue en termes de boulitio, d'ébullitio, de bouillonnement où chacune des trois personnes à sa spécificité, mais dans l'unité. Et son grand souci, c'est justement bien mettre en place le 1-3 dans la Trinité, l'unité de la divinité, et la spécificité de chaque personne. Et on a de sa part un effort assez grand pour montrer le rôle de l'Esprit Saint, peut-être plus que les autres théologiens de son époque. Et il me semble qu'il serait plus proche de Guillaume de Saint-Thierry que de Saint-Bernard, peut-être, dans sa conception de l'Esprit Saint. Et aussi, tout l'héritage des pères grecs, bien sûr. Mais alors, de toute façon, Marianne Vanier, comment définit-il la Trinité? Parce que bon, je sais bien que la Trinité est un mystère et qu'à la limite, ça dépassera toujours nos capacités d'entendement ou de représentation ou de discours. N'empêche, il essaie quand même de la cerner en tant que telle et de l'expliquer. Et toujours ce comment peut-on être? Alors, je sais bien que depuis Nicée, puis depuis Chalcédoine, c'est extrêmement compliqué, mais comment peut-on être un et trois en même temps? Oui, sur un plan mathématique, c'est vraiment impossible. Et Eckhart, dans les sermons latins 2 et 4, essaye d'expliquer justement en voyant l'unité de la Trinité. Et c'est la raison pour laquelle il y a tout le rapport avec la déité, ce qui a été aussi assez mal interprété, parce que la déité n'est pas le quatrième de la Trinité, mais c'est l'unité profonde des trois. Et ce qu'il montre, c'est qu'en fait, il n'y a pas une action simplement de l'un ou de l'autre séparément, mais une action commune des trois et une unité des trois. C'est vraiment l'unité de la Trinité qui est pour lui décisive. Mais à ce moment-là, pourrait-on parler de ce que j'appellerais éventuellement une unité dialectique ou un échange dialectique entre les trois termes? Oui. Aucun ne se pensant sans les autres. Oui, et cette dimension dialectique est fondamentale. Bon, dans toute l'œuvre Descartes, on a la mise en œuvre de la dialectique, mais par rapport à la Trinité, la dialectique est tout à fait décisive. Sei profondo mistero, mentre richiedi uguale a Dio. L'enigma si scioglie e ben si intende ciò che oscuro da noi non si comprende. D'une certaine manière, Isabelle Ravello, on sait très bien qu'un certain nombre de théologiens ont souvent dit que Dieu n'existait pas au sens des jugements d'existence de Kant. Parce qu'évidemment, son existence n'est pas la nôtre. C'est quelque chose de tout à fait différent. Et même souvent, je pense à Denis l'Europagite ou Grégoire de Nice disant Dieu n'est pas. Parce que c'est déjà lui donner l'être, donc de cette manière, c'est déjà le définir. Et en même temps, on se pose la question, donc il y a une sorte d'incréation éternelle de Dieu, si l'on peut dire, et en même temps, on en est souvent amené à poser dans ce type de théologie, et je voudrais savoir ce qu'il en est Descartes, à dire que Dieu est, précisément, il sort du n'être pas, il sort du néant, il est à partir du moment où il crée. Oui, c'est une question qu'il se pose à plusieurs reprises dans le commentaire du livre de la Genèse, mais aussi dans celui de l'évangile de Jean, qui est comme dans la continuité et l'accomplissement de sa théologie. Et je citerai un passage de ce commentaire du livre de la Genèse, à partir de la réflexion Descartes sur les paroles de Moïse dans le Premier Testament. Moïse dit que Dieu a créé le ciel et la terre au commencement absolument originaire dans lequel il est lui-même, sans aucun intermédiaire d'intervalle. Alors, la question ici du commencement absolument originaire pose le problème de l'incréé du point de vue de Dieu, chez Maître Eckhart, c'est-à-dire de cet absconditus, ce deus absconditus dont vous parliez, ou ce lieu sans lieu, cet endroit qui est métaphoriquement désigné dans l'œuvre eckhartienne par désert ou retraite du Père, mais qu'il ne saurait lui-même, sinon par métaphore, appréhender sur un plan conceptuel, car cela échappe au concept même. C'est pourquoi, dit-il, lorsqu'on m'a demandé un jour pourquoi Dieu n'avait pas créé le monde plus tôt, j'ai répondu qu'il n'avait pas pu, parce qu'il n'était pas. Donc effectivement, quelque chose commence par la création, mais ce quelque chose qui commence par la création, et qui est le créé et le créable, était déjà en idée, incréé, dans l'intellect divin, qui est un acte pur, c'est-à-dire tout entier concentré dans ce lieu sans lieu, qui est, si vous voulez, comme la concentration suressentielle de Dieu, sa concentration intellectuelle, celle-même qui va s'épanouir totalement dans l'incarnation, et dans la dynamique pascale, où, par la dynamique pascale, le Fils accomplit tout ce qui avait été dit avant même le créer par le Père. Il y a un peu deux manières de comprendre la Trinité. La Trinité en elle-même, la Trinité immanente qui est le mystère, et la Trinité pour nous, la Trinité économique. Du côté de la Trinité économique, on peut tout à fait distinguer la manifestation de chacune des personnes. Mais ce que Eckhart envisage chez la Trinité immanente, et comme on ne peut pas se la représenter, qu'elle est au-delà de toute représentation, c'est la raison pour laquelle il emploie le terme de déité pour montrer cette unité fondamentale de la Trinité. Oui, mais ce que j'essaie de comprendre en même temps, c'est qu'on sait très bien qu'il y a chez lui cette notion de Ungrund, si on peut dire, sans fondement, ce qui va donner le Grundlos chez Tauler. C'est-à-dire, ce sans fondement, ça renvoie précisément à l'ordre du mystère, ou parce que c'est à travers ce sans fondement que souvent on voit que les commentateurs disent c'est quelque chose en dessous, si on peut dire. À la fois, ça renvoie au mystère et au principe. Et là, je pense en particulier à la fois aux commentaires de Jean, aux commentaires de la Genèse et aux paraboles de la Genèse, où justement, il développe toute sa réflexion sur le principe et le principe sans principe. Et c'est là aussi cette racine, en quelque sorte, de la Trinité qu'est le Père et qui est l'unité. Il y a tout de même un point qui soulève des difficultés à beaucoup de lecteurs, Isabelle Raviolo, chez Eckhart, vous l'avez fait ressortir, de dire à l'intérieur même de la Trinité, d'une certaine façon, Dieu est à l'origine de toute chose, ne fût-ce que parce que son Fils est engendré de lui, même si de manière tout à fait co-éternelle, ça je comprends bien, et que l'Esprit est la relation entre le Père et le Fils, il est à l'origine de toute chose, et d'une certaine manière, il relève de la déité. Enfin, où il rejoint la déité. Et c'est là où on voit très bien que souvent on a du mal à faire le joint, comme si le Père, on ne savait plus très bien exactement dans quel lieu il était. Alors, je veux bien que ce soit un lieu sans lieu, bien entendu, mais c'est de se dire, est-ce qu'il est le trait d'union, est-ce qu'il est le passage de la déité à la Trinité, ou est-ce que d'une certaine manière, sa place tout simplement n'est pas très bien assignée? La difficulté est réelle, et c'est pourquoi il est difficile finalement de parler de place ou de parler de situation du Père. Je trouverais plus adéquat d'employer le terme même d'énergie, et c'est ce terme même qui rejoindrait chez Eckhart la notion de lumière qu'il emploie constamment. Vous voyez, c'est une énergie qui serait lumière, comme il est dit dans le sermon 48, à la fin du sermon 48, sermon allemand, cette lumière qui, comment dirais-je, serait révélée dans le monde, mais de façon cachée. C'est-à-dire que sa révélation ne serait possible, et n'a été possible, et n'est possible de toute éternité, que parce que... elle reste transcendante. C'est-à-dire que parce que cette lumière, dans son essence même de lumière, est invisible. C'est le noir absolu, si vous voulez, pour l'homme. Et en même temps, c'est une lumière absolue du point de vue de Dieu. Et c'est cet absolu-là qui est renfermé dans la concentration de la Gottheit. C'est-à-dire quelque chose qu'on ne pourrait pas dire, qu'on ne pourrait pas voir. Et c'est cette lumière qui a fait tomber Paul de son cheval sur le chemin de Damas. C'est-à-dire cette lumière qui est à la fois désir de Dieu en l'homme et réminiscence du quelque chose dans l'âme, qui constitue le troisième point du programme de prédication Descartes, réminiscence de quelque chose qui va beaucoup plus loin que la personnalité, mais qui relève, comme il l'explique dans le sermon 52, de l'homme non-né, de l'homme éternel, c'est-à-dire de l'homme dans l'idée de Dieu. Et c'est cet homme dans l'idée de Dieu qui est renfermé dans sa lumière intellectuelle, au fond même de la déité, au fond même de la Gottheit, et qui, par l'incarnation du Fils, se donnerait au monde de façon cachée, comme l'explicite incroyablement le sermon sur Pâques, c'est-à-dire dans cette dynamique pascale qui est folie pour les païens et scandale pour les juifs. C'est précisément le scandale de cette lumière qui vient dans le monde et qui est originellement dans l'âme, le quelque chose dans l'âme qui se révèle dans le petit enfant et dans la kénose du Christ, c'est-à-dire l'abandon absolu, le don même de ce qui n'est pas, de la pauvreté par essence. Et c'est cette réminiscence-là du néant originaire, si je puis dire, qui est la suressence de Denis, des noms divins, qu'il explicite dans les noms divins, qui a provoqué la conversion de saint Paul dans le sermon 71. C'est-à-dire, Paul se releva de terre, surexit Paulus de terra, et là, les yeux ouverts, il vit le néant. Ah oui, il ne vit rien et ce rien était le néant. Et ce rien était le néant. Ah, il vit Dieu, ce n'était rien, c'était le néant. Et voilà, et c'est... Et ensuite, il ajoute dans ce même sermon un point essentiel pour comprendre ce qu'est la Trinité et la Déité chez Maître Eckhart, c'est-à-dire que l'homme, Paul ici, l'homme juste, l'homme noble, qui est probablement Eckhart aussi dans son expérience mystique, était gros du néant. En même temps, il y a cette dimension d'un disciple chez Eckhart, mais... Si on prend la manière dont il envisage l'image, il y a aussi un écho de la Trinité dans l'image de Dieu en l'homme. Donc il y a le mystère, mais le mystère qui est aussi explicité comme tel. À la fois, il y a une part d'indicible, une part d'apophatisme dans son œuvre, mais il y a une autre part qui est une part positive. Et même... tout ce qu'il voit à partir de l'engendrement, à partir de la métaphysique du flux qu'il réinterprète, à partir d'Albert le Grand, permet tout de même de donner des éléments assez précis. Et on n'est pas simplement renvoyé au silence, là. Isabelle Raviolo, il y a un grand problème qui a toujours existé dans la théologie chrétienne, et qui était, si l'on peut dire, le rapport de ce qui n'est pas créé, de l'incréé, comme on dit généralement, et de la création, donc ce qui a été créé. On sait que tout le périphyséon de Jean Scott Erigène tourne autour de ce problème, et on a l'impression qu'il y a quand même une réflexion tout à fait particulière chez Eckhart, par rapport à la Trinité, d'une part, entre Gottheit et Gott, entre la déité et Dieu, Dieu en tant qu'il se révèle, et d'autre part parce qu'on se pose la question, et j'ai vu beaucoup d'interprétations différentes, pour savoir est-ce que l'âme était incréée ou est-ce qu'elle était créée. Oui, c'est un point très difficile qui valut à Maître Eckhart un des articles du procès. Il s'agit en effet dire que l'âme n'est pas incréé par nature, et là il s'en explique dans le sermon 11, mais aussi dans le sermon 12 et le sermon 48, mais de dire qu'il y a quelque chose à liquide dans le texte latin, etwas dans les sermons allemands, dans l'âme qui est incréée et incréable. Ungeschaffen, ungeschöpfelisch dans le texte allemand. In creatus et in creabile dans le texte latin. Donc c'est ce quelque chose qui définit d'emblée une difficulté de circonscription de la notion même de ce qu'on entend par incréé, et en même temps cette difficulté est redoublée, si je puis dire, dans la mesure où l'on parle de l'âme humaine. Donc, quel est ce quelque chose dans l'âme humaine qui serait incréé et incréable ? Est-ce Dieu comme tel, donc ce qu'on appelle le Goth ou le Deus créateur, donc dans les sermons latins, ou bien encore ce qu'il nomme lui-même la déité, la Gottheit, donc le Dieu d'avant Dieu. Il y a quelque chose qui semble assez mystérieux, Marianne Vanier, dans la doctrine chrétienne, c'est que, je dirais, à la limite, la naissance de Dieu dans l'âme, on voit à peu près de quoi il retourne. Mais il y a le pendant, c'est-à-dire qu'il y a la naissance de l'âme en Dieu. Et la naissance de l'âme dans la Trinité, qu'est-ce que cela peut désigner au juste ? L'introduction à la vie trinitaire. Mais c'est vrai que la manière dont il en parle est aussi difficile avec la question de la fine pointe de l'âme qui d'emblée vit dans la Trinité et qui est progressivement introduite à cette vie trinitaire. Et on a tout de même là un certain nombre d'éléments dans son sermon sur Dieu est amour, quelques indications qui sont données, cette introduction progressive à la filiation divine comme telle. Mais j'entends bien, mais c'est parce que j'ai souvent entendu la réflexion qui est de dire, mais finalement, lorsque l'âme naît en Dieu, elle naît dans la Trinité globale, elle est prise dans cette espèce d'échange circulaire, si on peut dire, entre les trois personnes, ou est-ce qu'elle est plutôt du côté du Père, plutôt du côté du Fils ? Ben, on sent que beaucoup de lecteurs sont très hésitants là-dessus. Personne n'est allé, c'est ça la difficulté. Mais c'est peut-être plus en termes d'identité. Pour Eckhart, c'est la question de l'assomption de l'âme en Dieu. C'est-à-dire, il dit par exemple que Henri Conrad reste même, mais il y a une assomption, un accomplissement comme tel, et c'est beaucoup plus l'accomplissement complet de la personnalité comme telle, et non pas une dilution dans le flux de la Trinité, par exemple. C'est beaucoup plus une personnification. Et là, bien sûr, cette personnification comme telle, ou c'est l'accomplissement de la personne, Eckhart l'envisage à partir de la bilt par excellence qu'est le Fils, la conformation au Fils, par l'intermédiaire de l'Esprit, qui amène vers le Père. Mais c'est pas plus une personne que l'autre, les trois sont liés, mais en même temps, la spécificité de chacun, l'originalité reste. Et ça, c'est quand même intéressant. Et je trouve que sur ce plan, Eckhart est tout à fait moderne. Parce que à son époque, c'était peut-être pas la manière dont on envisageait nécessairement l'introduction à la vie trinitaire. Lo spirito procede, e come un solo è il potere, il volere. Si vous voulez bien, Marianne Vanier, je vais revenir à ce que j'avais laissé de côté, à savoir la naissance de Dieu dans l'âme, dans la mesure où on a l'impression qu'il y a là quelque chose d'extraordinairement important, puisque si je me rappelle bien, Eckhart dit que finalement c'est en naissant dans l'âme que Dieu est le plus heureux, d'une certaine manière. Bon, alors c'est une manière très anthropomorphique de parler, bien sûr, mais on se demande là aussi, qu'est-ce que cela signifie ? Oui, et c'est de l'ordre aussi de l'irreprésentable. C'est-à-dire que pour Eckhart, il y a justement cette petite pointe de l'âme qui est le point de jonction, si on veut, et l'âme qui reçoit cette vie divine. Et ce qui est, peut-être, c'est dans son commentaire de l'évangile de Jean qu'il donne le plus d'éléments, mis à part les sermons 101 à 104, où tout de même, il envisage les choses, mais à partir de perspectives diverses. Et c'est ici davantage cette transformation qui est en jeu. Et peut-être aussi en lien avec son sermon sur Pâques, qui est tout de même assez proche de ce cycle aussi. Je vais peut-être vous étonner, Marianne Vanier, mais j'ai quand même envie de vous poser cette question, à savoir que si Dieu est le plus heureux en naissant dans l'âme humaine, et s'il est vraiment ce mouvement d'amour, cette expansion d'amour que vous avez décrite, que de toute façon décrit une grande partie de la théologie chrétienne, est-ce que cela ne veut pas dire d'une certaine manière Dieu avait besoin de l'homme et qu'il l'avait créé par nécessité d'amour, je dirais? Et est-ce que la Trinité peut se concevoir sans l'homme? Oui et non. C'est-à-dire, il n'y a pas de nécessité en Dieu. C'est-à-dire, Dieu n'est pas plus Dieu avant et après avoir créé. Il n'a pas besoin de l'homme, mais en même temps, la Trinité, qui est cette surabondance de l'amour, appelle justement à un partage. Il y a aussi tout un paradoxe, parce que pourquoi, justement, Dieu n'a-t-il qu'un fils, alors qu'il est cette surabondance d'amour? Il devrait y en avoir une multitude. Et peut-être, justement, là, les sermons sur la naissance de Dieu dans l'âme sont très intéressants, parce que il n'a qu'un fils, mais par la naissance de Dieu dans l'âme, tous sont fils dans le fils. D'où le partage comme tel. Et à partir de là, ce qui était paradoxal devient tout à fait compréhensible. Par le fils, tous sont fils. Et là, il y a vraiment cette surabondance comme telle. Pas de nécessité de la part de Dieu, une gratuité comme telle, un don, une surabondance de dons, et non pas une nécessité. Est-ce que, d'une certaine manière, Isabelle Raviolo, l'œuvre Descartes ne pourrait pas être considérée comme un immense commentaire et, je dirais en même temps, une immense explicitation de l'évangile de Jean? Je veux dire par là que on sait très bien au début le logos était avec Dieu, le logos était Dieu, c'est-à-dire qu'à la fois le logos, c'est-à-dire le Christ, est co-éternel effectivement à la déité, et en même temps il s'incarne, donc il s'exemplifie dans le monde avec ce pont effectivement qui est fait entre la création et la création, et on a l'impression que c'est ce qui est au cœur même de la réflexion des cartes. Tout à fait. Et c'est pourquoi le verbe, on peut dire, unit dans sa profondeur l'être, la vie et la pensée. C'est-à-dire trois moments logiques d'un même agir, d'un même acte, qui subsiste lui-même dans le cœur même du Père. Et le cœur même du Père, c'est la déité. Alors, en cela, il y a un passage assez intéressant du commentaire de l'évangile de Jean, où Eckhart dit que relativement à une quatrième manière de commenter ce qui est dit, à savoir au commencement était le verbe, relativement à l'in principio erat verbum, il fait observer que le Fils de Dieu a quatre propriétés. Je cite, la première, c'est d'être intérieur. La deuxième, c'est d'être le premier-né de toute créature. La troisième, c'est qu'il naît toujours et qu'il est né depuis toujours. Et enfin, la quatrième, c'est qu'il procède du Père sous la propriété de l'intellect, comme le Saint-Esprit sous la propriété de l'amour. En cela, c'est ce qui m'a toujours frappé chez Maître Eckhart, mais peut-être que ma suggestion va être hasardeuse. Il y a un point commun réel entre ce que dit Spinoza, Baruch Spinoza, héritier de la tradition juive de Maïmonide, à la fin du livre 5 de l'éthique, au sujet de l'amour intellectuel de Dieu, où il exprime précisément que l'homme sent en lui qu'il a une origine autre que son origine créée, Et c'est ce qu'il entend par « nous sentons et nous expérimentons que nous sommes éternels », ce sentiment d'être éternel, c'est le sentiment, c'est-à-dire l'intuition métaphysique que l'homme a une racine incréée en Dieu et qu'il est originellement autre que ce qu'il peut être ici dans son incarnation, mais que son incarnation, en même temps, lui est nécessaire pour retrouver le chemin de son origine. La question que je me pose, c'est est-ce que ce n'est pas la façon de Eckhart de reprendre ce qui avait déjà été dit par Clément d'Alexandrie, ce qui avait déjà été dit par Maxime le Confesseur, par beaucoup de théologiens, à savoir que l'incarnation de Dieu entraînait la divinisation de l'homme. Oui, c'est toute la question du cours des Oussomo, pourquoi Dieu s'est fait homme, pour que l'homme partage la vie de Dieu, pour que l'homme devienne Dieu. En fait, Eckhart n'est pas du tout un novateur sur ce plan-là, il se situe dans une tradition comme telle, mais ce qui est peut-être nouveau, c'est la manière dont il le dit, ou bien les raccourcis qu'il utilise, ou la dialectique qu'il met en œuvre, mais il reprend largement les pères grecs. Mais de ce point de vue-là, et par rapport même à la Trinité, est-ce que d'un certain point de vue, Marianne Vanier, Eckhart n'aurait pas marqué un tournant? Je veux dire, on a l'impression que finalement on ne réfléchira plus à la Trinité de la même manière après lui qu'avant lui. Oui, parce que il va très loin dans l'approfondissement. On a l'impression qu'il connaît vraiment très bien toute la théologie trinitaire, tout l'acquis. Et ce qu'il fait, c'est qu'il est capable de l'utiliser pour des questions très précises et il y a une mise en œuvre très fine à laquelle on ne penserait pas. Et c'est peut-être ici justement sa virtuosité comme telle pour montrer l'enjeu anthropologique aussi qui est impliqué. Ce qu'on vient de dire sur la divinisation de l'homme, parce que cette divinisation... Eckhart l'interprète en termes de naissance de Dieu dans l'âme, mais c'est ce partage de la vie divine par l'intermédiaire du Fils. Mais la manière dont il en parle est originale. Il ne reprend pas, par exemple, les trois naissances comme Saint Bernard ou comme le fera Tauler. En concentrant tout dans la naissance éternelle, c'est beaucoup plus difficile parce que c'est de la vie trinitaire qu'il s'agit. Mais... il montre ici un peu le cœur même de la divinisation. Pour le 8 avenue Kennedy, restaurant La Bûcherie. Afin de prolonger notre réflexion, je voudrais d'abord signaler dans les livres de la semaine la réédition aux éditions des Clés de Brouwer de Sources de Olivier Clément. De quoi s'agit-il, sinon d'une étude qui était devenue irremplaçable puisqu'on n'arrivait pas à trouver la première édition chez Stock qui avait eu lieu il y a déjà une bonne vingtaine d'années, mais une réflexion d'un point de vue orthodoxe, c'est-à-dire en réalité de la foi orthodoxe, bien entendu, sur la relation que nous pouvons avoir avec l'abîme du divin. Olivier Clément, de ce point de vue-là, se place très clairement dans la perspective de ce qu'on appelle la théologie apophatique, c'est-à-dire qui nie peu à peu tout ce que l'on peut dire de Dieu, parce que ce ne serait pas Dieu lui-même, mais beaucoup plus une représentation humaine, ce serait donc de l'ordre de l'idole. Et on voit très bien l'accent qu'il met sur des pères comme Saint Grégoire de Nice, ou comme Maxime le Confesseur, ou comme le pseudo-Denis, et où, en même temps, il y a toute la marque de ce qui est la théologie orthodoxe par rapport à ce qu'on appelle la théologie latine, c'est-à-dire ce dont nous avons hérité à travers le siège de Rome et à travers surtout l'œuvre de Saint-Augustin, à savoir une théologie de la beauté et une théologie de la joie qui nous offre un christianisme très différent de celui que nous a appris notre tradition. Revêt-toi de la joie, lieu des complaisances divines, et fais-en tes délices. Car tout homme joyeux agit bien, pense juste, et foule au pied la tristesse. Alors que l'homme triste, au contraire, agit toujours mal, en attristant le Saint-Esprit, qui est donné comme joie aux hommes. D'autre part, et toujours dans le domaine des rééditions, je voudrais attirer l'attention sur les œuvres complètes de Jean de la Croix, là aussi aux éditions des Clés de Rouvert. Jean de la Croix, cet immense mystique espagnol du XVIe siècle, dont l'œuvre était devenue extrêmement difficilement accessible, et où on nous offre l'ensemble de ses réflexions, l'ensemble de ses poèmes, et on le sait, tous les traités, tous les commentaires qui accompagnent ces différents poèmes, ces poèmes qui ont irrigué notre propre culture, que ce soit le Cantique spirituel, c'est-à-dire d'une certaine manière la démarque, la reprise, la remise au travail, si on peut dire, du Cantique des Cantiques, ou que ce soit la Vie Flamme d'Amour, ou que ce soit la Nuit Obscure. Cette nuit obscure qui est la nuit du mystique, qui est la nuit des sens par laquelle il doit passer afin de déboucher dans l'amour de Dieu, et qui d'ailleurs entraîne dans sa démarche ce qui souvent a posé beaucoup de problèmes aux commentateurs qui ont suivi Jean de la Croix, à savoir que c'est l'âme qui est amoureuse de son Seigneur, et où dans ses poèmes on voit souvent Jean de la Croix se parler au féminin, mais se parler au féminin de la même manière, par exemple, que dans la tradition de la Bhakti en Inde, on voit l'homme se parler au féminin devant le Seigneur Krishna, dans la mesure où, précisément, c'est son âme, en tant qu'épouse ou en tant que promise, qui s'adresse à son aimé. Par une nuit obscure, ardente d'un amour plein d'angoisse, ô l'heureuse fortune, je sortis sans être vu, ma maison étant désormais accoisée. Ô nuit, toi qui m'as guidé, ô nuit plus aimable que l'aurore, ô nuit, toi qui as uni l'aimé avec son aimé, l'aimé en son aimé transformé. Et puis, puisque nous nous trouvons à l'évidence dans une veine mystique, je voudrais parler de l'ouvrage publié par les éditions Ad Solem de Edith Stein, La crèche et la croix. Je parle d'ouvrage, et je ne sais pas si véritablement je devrais prononcer ce mot, dans la mesure où, en réalité, il s'agit de la récollection de 5 textes, 1 sur le mystère de Noël, 4 sur la croix et le mystère pascal. Edith Stein, on le sait, c'est cette juive qui, d'une certaine manière, avait fait scandale à son époque, puisqu'elle s'était convertie au catholicisme et au catholicisme le plus ardent, et qui, en même temps, a vécu, si l'on peut dire, cette nuit dont parle Jean de la Croix, mais nuit de la chair, nuit de l'âme, nuit de l'esprit en même temps, nuit de la personne humaine devant le règne du mal, puisque, on le sait, déportée par les nazis, elle est morte à Auschwitz en août 1942. Et on voit très bien comment, à travers ces textes, elle insiste énormément sur le thème de la joie, précisément de cette joie que l'on ressent, ou que tout chrétien ressent, dans le mystère de Noël, c'est-à-dire l'apparition de Dieu, mais qui en même temps amène à la mort sur la croix, à travers laquelle on va connaître une nouvelle joie, une joie d'une nature différente peut-être, qui est celle de la résurrection. Et de ce point de vue-là, on voit comment est dépassée la fameuse phrase du Christ que nous rapportent les évangiles. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» qui, on le sait d'ailleurs, est une reprise d'un psaume tout à fait traditionnel. Et à travers ce qui est de l'ordre de ce qu'on appelle la kénose, c'est-à-dire la manière dont Dieu s'est vidé de lui-même afin de devenir homme, et puis sa résurrection, son ascension au ciel, c'est-à-dire la manière dont il se retrouve lui-même, on voit très bien comment Edith Stein nous invite à une même kénose dans laquelle nous nous défaisons de nous-mêmes afin de nous offrir au divin, à travers quelque chose qui est extrêmement proche du texte de Thomas à Kempis qui a connu une telle diffusion à partir du XVe siècle, c'est-à-dire l'imitation du Christ. Les mystères du christianisme forment un tout indivisible. Si l'on se plonge dans l'un, on est conduit à tous les autres. C'est ainsi que le chemin qui commence à Bethléem mène immanquablement au Golgotha, de la crèche à la croix. Enfin, je voudrais terminer avec le livre de Georges Ancel, de la Bible au Talmud, aux éditions Odi Jacob. Georges Ancel, nous l'avons déjà reçu dans Les Vivants et les Dieux pour nous parler précisément du Talmud, auquel il s'intéresse depuis des années, et si l'on peut dire, à partir de sa position tout à fait particulière, qui est celle d'un mathématicien de métier, c'est-à-dire avec une rigueur et avec une logique absolument implacable. En quoi consiste le Talmud? On le sait très bien, d'une certaine manière, c'est l'écrit de ce qui par ailleurs est la loi orale, et c'est un art du commentaire, et éventuellement du commentaire, parce qu'un texte doit toujours être remis au travail, il y a toujours une autre manière de le comprendre, il y a surtout toujours une autre manière de le mettre en perspective par rapport aux problèmes et aux problèmes actuels auxquels on est confronté. Georges Ancel, d'ailleurs, se réfère à un certain nombre de grands maîtres, Rashi, bien entendu, au Moyen-Âge, mais aujourd'hui, quelqu'un comme le rabbin Léon Ashkenazi, qui était plutôt du côté de la Kabbale, ou un philosophe comme Emmanuel Levinas. Et on voit très bien comment son mouvement est d'essayer de saisir le Talmud de son intérieur même, en réfléchissant sur des thèmes comme la loi du talion, comme la terre promise, comme le Messie en tant que fils de Joseph, ou bien en tant que fils de David, selon le Rav Kook. L'unicité du sujet humain réside en l'appel de l'infini qui le requiert. Et l'idée même de se faire remplacer pour répondre touche à l'absurdité. Le mot « je » signifie « me voici », répondant sans fin à l'appel de l'infini. Les livres aujourd'hui, une réédition de Sources de Olivier Clément aux éditions des Clés de Brouwer. Une autre réédition, celle des œuvres complètes de Jean de la Croix, également chez des Clés de Brouwer. La Crèche et la Croix de Edith Stein aux éditions Hatzolem et de la Bible au Talmud de Georges Ancel aux éditions Odile Jacob. C'était Les Vivants et les Dieux, une émission proposée par Michel Cazenave, avec aujourd'hui la participation de Marianne Vanier et de Isabelle Raviolo. Recherche sonore Dominique Catrou, mixage Amandine Grévoz, réalisation Isabelle Huel. Et nous retrouvons dans quelques instants Hélène Azéra.